Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus lourd de Nexo. In R.I.G. 90.7. Je cherche plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, on va. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Apprends-moi la main, petit Pékin. Oh oui, viens avec moi. Apprends nos traits, ne vont pas. Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG, la radio de Juna ED, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Je suis heureux de vous accueillir pour cette dernière émission de l'année 2019 pour mieux se retrouver l'année prochaine. Et pour finir cette année en beauté, si on faisait un petit récapitulatif de toutes les sorties discographiques de Juna ED, donc on va récapituler tout ce qui est sorti de Johnny, aussi bien des nouveautés que les rééditions. Installez-vous bien, appelez les copains et les copines pour suivre cette émission sur RIG si vous habitez Bordeaux, 90.7 ou sinon internet www.rigfm.fr. Pour la dernière de l'émission, il y a du monde dans le studio. Vous savez ce qui est sorti cette année ? Oui, non, oui, c'est vrai, il est sorti Que je t'aime, exactement, oui, c'était en septembre de cette année. Mais avant ça, il était sorti donc l'intégralité de Johnny Hallyday en réédition. Des 33 tours en CD et aussi les 25 cm. Donc ça s'est terminé en début d'année 2019. Mais une des plus grosses sorties, une des nouveautés qui est sortie, c'était aussi le maxi 41 tours de Hey Joe. C'était le 22 février 2019 chez Universal. Et tout de suite, je vais vous proposer un extrait, même deux extraits, Hey Joe et J'ai crié à la nuit. Bonne soirée à toutes et à tous, vous écoutez Johnny, c'est sur RIG. Hey Joe, cours pas comme ça. Dis, y'a pas le feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein, mais de quoi? Hey Joe, le Vietnam, la bombe, tu t'en fous de tout ça? Et pour toi, Joe, y a toujours une place, mais pas pour moi. Pourquoi? Hey, Joe, pourquoi t'as de la chance plein les doigts? Hey, de l'année. Deuxième extrait qu'on peut écouter aussi également sur ce Maxi 45 Tours, c'est le titre « J'ai crié à la nuit ». Sont plus de 50 autour de moi. Je me sens comme perdu dans un désert. Sur leur échiquier, je glisse comme un pion. Alors que je croyais en être le roi. Quand j'ai besoin d'un peu d'amitié, les visages se tournent et s'effacent. Lorsque je réclame un peu de gaieté, sous le sourire je sens de l'intérêt. Tu veux vieillir avec moi. Réfléchis, voudrais-tu être le miroir où l'on pourrait voir nos visages se froisser un peu plus chaque soir. Lorsque plus tard mon nom sera oublié, viendras-tu comme avant pour me parler? Désolé petite fille, je vivrai seule. Je préfère vivre vite et mourir jeune. Quelquefois j'ai envie de crier à la nuit. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. J'ai crié en version complète sur cette version du Maxi 45 Tours Hey Joe. Mais ce Maxi 45 Tours Hey Joe préparait l'arrivée d'un livre-disque 3 CD le 29 mars 2019 chez Universal, Johnny 67, et qui a été limité à 4000 exemplaires et comprenait un CD donc Johnny 67 et les singles, plus l'Olympia en version originale et le Palais des Sports 1967, Olympia et Palais des Sports en version remasterisée. Également sorti le 29 mars, le double vinyle limité à 2000 exemplaires Johnny 67, le coffret Super Collector limité à 1000 exemplaires qui comprenait un double album, 3 CD et un DVD du télédimanche du 11 mars 1967 et également est sorti le double vinyle Olympia 67 nouvelle captation limité à 3000 exemplaires ainsi qu'un autre coffret de double vinyle limité à 1000 exemplaires Johnny 67 et Olympia 67 avec en plus un 45 tours pitcher, un format rectangulaire avec un titre Les Chevaliers du Ciel. Je vous propose d'écouter de ce petit coffret Johnny 67, Amour d'été et Aussi dur que du bois. Jusqu'à l'automne. passer. Ce soir, on fait la rétrospective des albums de Johnny Hallyday sortis en l'an 2019. On va illustrer maintenant l'Olympia 1967, la réédition qui est donc sortie le 29 mars 2019. Nouvelle captation de l'Olympia 67 avec deux titres que je vais vous présenter, Les Coups et Si j'étais un charpentier. Et après, on enchaînera avec Le Palais des Sports, deux titres, Petite fille et Mon fils. Voilà. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live à l'Olympia 1967, nouvelle captation 2019. porte à la fois à terre et les faudras tomber et s'empêrer, apprendre à se relever et deviendra un homme petit à petit en apprenant les dures leçons de la vie. Oh oui, les coups quand il vous arrive. Oh oui, oui, ça fait mal. Les coups qui apprennent à vivre. Oh oui, oui, ça fait. Aujourd'hui je sais que l'on n'a rien sans l'été. Le prix de l'amour, celui de l'amitié. Quand on est le premier, ce qu'il faut crie bravo. Et puis ce qu'il voudrait pour voir un jour carreau. Oh oui, les coups, quand il vous arrive. Oh oui, ça fait mal. Les coups qui apprennent à vivre. Oh oui, oui, ça fait mal. Un coup de bonheur qui vient en bon moment. Tout d'espoir au milieu du tourment. Plus les coups sont durs, plus vite on apprend à devenir quelqu'un qui se défend. Oh, les coups, ah, j'en ne prends plus peur. Les coups qui vous font mal au cœur. Les coups, quand ils vous arrivent. Oh oui, ça fait mal. Les coups, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Les coups, mais ça fait. J'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Dans l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, à mes mains seraient sèches et dures, elles tiennent si fragiles. Les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. À nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. J'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? On quitte l'Olympia de mars 1967 pour aller au Palais des Sports en novembre 1967. Voici Petite Fille, suivie de Mon Fils en version remasterisée 2019. Ah, petite fille, je t'avais bien prévenu. Aujourd'hui, ton amour qu'est-il devenu? Ah, petite fille, ce garçon

ce n'est pas un spectacle pour un garçon. Mon fils, il faut que l'on rentre, car ta mère nous attend à la maison. Et on ferme la page de ce Johnny 67 qui était sorti le 29 mars 2019. Ce soir, on vous rappelle les sorties discographiques de Johnny Hallyday en l'an 2019. Et puis en même temps, de quoi ça vous fait donner des idées de cadeaux pour Noël? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? On continue après, ça se passe le 19 avril 2019 chez Universal. C'est la réédition du double vinyle de Bercy 90. Les vinyles sont en couleur vert et rouge. Et pour illustrer cet album-là, voici les Vautours version Bercy 90. C'est Johnny. Johnny en live. Tout va bien, vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit.

tant de temps qu'on s'est donné, et d'amour sans compter, c'est pas pour rien. Ça ne finira jamais, on refera la route, je te le promets. Je ne suis que la somme des mains qui se tendent et des cœurs qui attendent. Je suis ceux qui m'ont aimé. Dans ces chansons qui nous rassemblent autour de ce feu que rien n'atteint, ça ne peut pas finir. Il y a trop de souvenirs, des jours, des nuits qu'on ne compte pas. Et même si je pars, je ne te quitte pas. Ça ne finira jamais, on refera la route, je te le promets. Je ne suis que la somme des mains qui se tendent, des cœurs qui attendent. Je suis ceux qui m'ont aimé. Écoutez Érigé, la radio Junaïd, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit pour l'émission Johnny de A à Z qui ce soir est la dernière émission de l'année 2019. Ce soir, on fait la petite rétrospective des sorties discographiques Junaïd en l'an 2019. Le 7 juin 2019, pour donc en gros la date, pratiquement la date anniversaire de Johnny Hallyday, chez Universal est sorti un coffret de 20 CD albums étrangers chez Universal, donc ça s'appelait Johnny Hallyday International. On n'aura pas d'extrait car en gros tous les extraits, on les connaît, hein, ce sont des vulgaires compilations, mais dans les pays étrangers. Sinon, après, est sorti le 14 juin 2019 chez Warner la réédition du double vinyle La Cigale 2006, en, des vinyles en couleur, translucide du moins. Hein. Réédition aussi du triple vinyle Born Rocker Tour Bercy 2013, avec des vinyles couleur rouge, et la réédition du double vinyle Théâtre de Paris, avec des vinyles couleur rouge également. Je vous propose d'écouter donc trois extraits, Cigale, Bercy et Théâtre de Paris, évidemment, ici et nulle part ailleurs, Érigé. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Nous sommes à Cigale 2006, Blueberry Hill, avec Chris Isaac. I found my trail on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. sweet melody. But all of the vows we made were never to be. Go apart, Daniel. Your part of me still. Merci 2013 du Bonne Rocker Tour. Voici entre mes mains la superbe surprise. Yeah. Et c'est notre extrait Réclamation du Théâtre de Paris 2013. Également sorti en vinyle le 14 juin 2019 chez Warner. Je suis pas d'accord, t'emmerdes envers ce monde, et moi, moi je n'en veux pas. Ce genre de cadeau, c'est bon pour ceux qu'on n'aime pas. Ça sent la poudre et le sang, ça sent la sueur et l'argent. Remboursez-moi, je ne veux pas de ce monde-là. La radio qui propose Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Sortie discographique Johnny Hallyday 2019, c'est le thème de ce soir dans cette émission Johnny de A à Z. L'été passe, l'été 2019 passe et on revient en septembre à la rentrée. Le 6 septembre 2019 sort chez Universal un maxi 45 tours limité à 3000 exemplaires de la chanson Que je t'aime. Il y avait sur ce maxi 45 tours 6 versions de Que je t'aime, une en mono, une en stéréo et stéréo alternative, un piano voix et aussi les versions italiennes et japonaises. C'est la version piano voix que nous allons écouter. Elle date donc du 22 avril 1969 et c'est extrait d'une émission de Europe 1. Comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une pute petite voix. Que je t'aime, que

Tout est bien fini, tout est bien fini, de son corps. Moi j'ai tant besoin de son cœur. Tout contre mon cœur. Est-ce que tu veux m'aimer ce soir? Y a-t-il une fille qui veuille m'aimer ce soir? Tu sais, moi j'ai tant besoin d'amour. J'ai tant. Je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je réédition du triple vinyle Flashback Tour, c'était en 2006. Voici un extrait, La Quête. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une impossible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure, oui, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, seul damné pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai son héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, oui, même trop, même mal, pour atteindre, on s'en écartelé, pour atteindre l'inaccessible. Yeah!

Tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Oh, oh, oh, oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Et je cours toute la journée sans savoir où je vais. Dans le bruit, dans la fumée, je vois des ombres s'entretuer. Tout le mal que l'on m'a fait. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. On reprend les sorties discographiques. Johnny Hallyday en l'an 2019. Le 8 novembre 2019 sort enfin Les Vieilles Canailles en live à l'Accor Hotel Arena de 2017. Les Vieilles Canailles sont sorties en plusieurs versions, avec un coffret par exemple contenant le combo CD-DVD avec un Blu-ray, un triple vinyle et des photos ainsi qu'un pass VIP. Puis après on l'a eu aussi en détail avec le combo CD-DVD, le Blu-ray au détail, le triple vinyle et un double CD. Je vous propose d'écouter deux extraits de ce concert du de 2017, Couleur Mentalo et On veut des légendes sur RIG. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. De suite, les Vieilles Canailles sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un beau d'essai à la Century Fox. Cherchez du regard un spot, le dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus. Bien sûr, elle ne m'a pas vu. perdu dans un mégalo. Moi, je t'aime trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. Oh, oh. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Aux yeux pantalons, Hollywood est dans sa tête. Toute seule, elle répète son entrée dans un studio. Décor couleur mantalo, perdu dans sa mégalo. Oui, moi je suis de trop. Est entrée, elle est jamais tombée, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. Ça, c'est une belle chanson. Merci. Bravo, monsieur Hidi. De rien. L'hôpital jeune me disait. Faisait le G.I. de Francfort. Certains disent que le King Vieder dans une île cachée, un endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. 40 ans sous terre, ce serait trop dur. On veut des légendes, des légendes, à consommer toutes prêtes sur commande. Des mythes louanges, mais tiennent bon. Face à nos marchands d'illusions. Les hommes politiques l'ont bien compris. Ils nous promettent le beau lendemain. Foi au pouvoir, ils nous obéissent. Ils disent laisse faire, je me tue de rien. faire une fois sur ce Messie. Y a qu'un Jésus dit de ce nom. On veut des légendes, on est en manque, on en redemande. Nos c'est ce que tu es, Eddie. C'était de l'inédit. Enfin, Les Vieilles Canailles étaient sorties donc le 8 novembre, suivi après du 15 novembre 2019 chez Warner. Un inédit en vinyle, c'était l'album On Stage and Live, un coffret triple vinyle, triple 33 tours, de couleur rouge, du moins les vinyles, hein, et aussi d'un 45 tours picture disc contenant les trois titres du CD bonus, Rock'n'Roll Attitude, Diego et Tennessee. Et en démonstration, on va écouter I Who Have Nothing et Elle est terrible. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Oui, oui, vous êtes bien sur RIG et dans l'émission Johnny de la Z. Nothing. I who have no one. Adore you and want you so. I'm just a no one with nothing to give you. But I love you. Diamonds, bright, bright sparkling diamonds. But believe me, dear, when have nothing. Who have nothing? No, I who have no one. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Eux le disent, mes amis, même les fêtés. Contemporain, c'est pas l'impression d'exister. Mais tout ce cinéma belle pour le penser. Et cette fille-là, mon vieux, ouah, elle est terrible. Et regarde un peu cette voiture. On le dirait vraiment fait pour moi. Une autre fois pour rouler avec ça. Et la chose que je pense au prix de l'essence. Je perds subitement l'envie de me la payer. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Et cette voiture-là, mon vieux, waouh, elle est terrible. Attends un peu que je travaille. Quand je pourrais me la payer tout le temps. J'inviterai la belle fille à monter dedans. La capote baissée entre nous presser. Oui, nous descendrons les Champs-Élysées. Et les copains nous voyant passer, diront m'amuser. Il n'y a pas à dire ce gars-là, waouh, il est terrible. Si vous voulez, en rêvant, on voit la charrette, ma vieille Citroën. Et j'ai plus de mine dans la belle maison. Mais celle que j'aime, le poche à plat. Pourtant, si elle m'embrasse, rien, tu le vois. Je dirais certainement en parlant de moi. Tu sais, y a pas à dire ce gars-là. Ouah, il est terrible. Johnny, en 2012, est sorti récemment chez Universal le 1er décembre à l'Olympia et le 2 décembre dans le e-commerce, un coffret 7 double vinyle limité à 1000 exemplaires. C'est Olympia Story 1961-2000, avec des inédits comme les musicoramas de 61, 62, 65, 66, 72 et les duos de l'Olympia, tout ça en vinyle. Également un coffret 18 CD et 2 DVD limité à 1500 exemplaires. Olympia Story 1961-2000, 314 titres, plus de 18 heures de musique avec un CD de 1961, 4 CD de 62, 3 CD de 64, un CD de 65, un de 66, 3 CD de 67, un CD de 72, un CD de 73, 3 CD de l'an 2000, plus 2 DVD sur le concert Olympia 2000, dont les duos, qui étaient inédits jusqu'à ce jour-là. Donc, ces coffrets représentaient tous les passages de Johnny à l'Olympia, du moins ce coffret 18 CD, retracer tous les passages de Johnny à l'Olympia répertoriés sur 18 CD. Et si on l'achetait via Johnny Hallyday Store, on avait un cadeau. C'était un 45 tours, deux titres avec Elle est terrible de 1962 et À propos de mon père de l'Olympia 2000, donc offert pour l'achat d'un des deux coffrets ou sur les deux. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur cette sortie du 1er décembre et du 2 décembre 2019. C'est une des plus grosses sorties de l'année 2019. On va retrouver pour illustrer donc ces deux coffrets-là, Johnny Hallyday à l'Olympia 61, 65, 66, 72 et 73. 5 extraits de l'Olympia. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Vous me suivez toujours, hein? Oui, oui, oui. trouve ça amusant, c'est tout. Quel âge avez-vous? 17 ans. 17 ans? Oui. C'est la première fois que vous voyez Johnny Hallyday? Oui, c'est la première fois. Et ça vous plaît? Je trouve ça amusant, ça vaut c'est tout. Ça vaut enfin, tout. Vous n'avez pas envie de taper dans vos mains, de hurler, de extrait casser extrait de Pierre 1961, à New Orleans. Non, le spectacle est sur scène et puis surtout dans la foule. Enfin, vous ne regardez pas votre soirée? Ah non, je croyais que vous Musicorama Europe 1. C'était retransmis en direct et donc avec les commentaires du présentateur de l'époque. En lettres, pardon. En Suisse. Vous avez interrogé votre voisine, mademoiselle est avec vous? Mademoiselle, vous êtes en direct sur l'antenne d'Europe numéro 1, je vous le dis tout de suite. C'est la première fois que vous voyez Johnny Hallyday? Oui, non, j'ai déjà vu à Biarritz. Comment? J'ai déjà vu à Biarritz. Pas à Bayonne, sans doute. Non, à Biarritz. Cela vous plaît? Ça m'amuse. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je viens de finir mes études. Travailler? Oui. Qu'est-ce que vous faites, secrétaire? Non, non, je suis un antiquaire. Ah bon? Et vous n'avez pas l'air quand même très enthousiaste, vous ne bougez pas, vous ne ça frappez pas dans vos mains? Non, j'aime écouter le public. Vous n'aimez pas ça? J'aime écouter le public. Ouais. Vous aimez le jazz? Oui. Vous aimez la musique? Beaucoup. Trouvez-vous que c'est de la musique? Non. Je vous remercie. Eh bien, je continue mes interviews. Madame, je peux vous demander ce que vous pensez de Johnny Hallyday? Non, vous n'en pensez rien? Non, j'ai très bien, mais... Non, il est bien. Et vous, madame? Non, ces dames sont prises par l'ambiance et ne veulent pas donner de réponse. Écoutez, vous avez entendu déjà un petit galop bien superficiel parce qu'on ne peut pas en tirer une conclusion, mais enfin, vous voyez, on aime ça, mais enfin, pas plus que ça. Mais les dans les rues du sud, des filles, à New Orleans, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Johnny Hallyday et du rock'n'roll en général. Le réseau vient de se lever et de se baisser. Madame. Mais Johnny en 1961, c'était plutôt amusant, hein, comme on a pu entendre lors de ses témoignages. Devant nous, Johnny Hallyday, le chef et une vedette, guitare à la main, trempé de sueur. On retrouve Johnny en 1966. Notre amour s'efface, nos cœurs ont fait leur temps. Quand la fin menace, mieux vaut partir avant. On s'aimait, et tu vois, on s'est trompé. On s'aimait, et tu vois, on s'est trompé. Notre amour s'efface, notre amour est perdu. Et quoi que l'on fasse, il ne revivra plus. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé. On s'aimait, et tu vois, on s'est trompé. Bien trompé, bien trompé. Le cœur nous plonge, mais la vie, les gens en disposent. Le vent a soufflé sur les roses que l'on a. L'amour nous quitte comme il était venu. Tout s'est fait si vite, mon cœur ne comprend plus. On s'aimait, et tu vois, on s'est trompé. On s'aimait, et tu vois, on s'est trompé. Bien trompé, bien trompé. Le cœur propose, mais la vie, les gens en disposent. Le vent a soufflé sur les roses que nos mains battues ne feraient plus. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé.

retrouve également dans ses coffrets l'Olympia 1973 avec en extrait Tes tendres années. Et en bonne qualité sonore cette fois-ci. J'avais cru qu'une marche notre mère. J'aimerais avoir un peu plus de voix, merci. Il est encore moins bon que l'autre, celui-là. Oh, oh ah. C'est dommage qu'on m'ait envoyé par terre parce que j'aurais pu la manger tout à l'heure. Voici une chanson que j'aimerais chanter pour toutes les jeunes filles qui se trouvent dans la salle. Une chanson qui me rappelle plein de souvenirs. Tu me dis que tu m'aimes. Je sais qu'il est vrai. Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand il partira, quand tu pleuras. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière est là devant lui. Même si tu la lumière, ça n'est pas infini de ne voir. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir pour des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Je serai te faire oublier tes tendres années. On retrouvez tout ça dans, donc, dans le coffret Olympia Story 1961-2000, hein, mais est sorti chez Universal le 6 décembre 2019, le combo de CD plus DVD, Un soir à l'Olympia. C'est un best-of qui retrace les passages de Johnny à l'Olympia sur deux CD, avec aussi un DVD bonus, avec les duos de l'Olympia 2000, ainsi que l'Olympia 1962. Et je vais vous proposer trois extraits qu'on retrouve également aussi bien dans le coffret Olympia Story que dans le combo Un soir à l'Olympia, Quelques cris, quelque chose de Tennessee avec France Gall et le bouton de rock'n'roll avec Paul Persson. Parfois, je trouve moi. Ce n'est pas encore sorti, mais ça le viendra. Ça le deviendra le 26 décembre 2019. Ça sera la collection Hachette Johnny Hallyday Vinyl. 70 albums studio, hein, aussi bien, oui, studio, live, des 25 centimètres qui sont prévus au fur et à mesure. Donc ce sera un abonnement, en gros. Si vous vous abonnez, vous recevrez deux albums par mois. Ouais. Mais Hachette ne veut pas communiquer sur le nombre d'albums. Et donc, ils ne diront pas non plus les albums qui vont diffuser tout au long de ces 3 ans. Oui, ça va commencer en 2020, 2021, 2022, voilà. Vous allez voir cette collection-là, et puis en faisant un petit calcul, ça vous revient en gros une collection à 1800 euros, en gros. Voilà, voilà, donc achète ou achète pas, et puis voilà. Donc le seul truc qui est dommage, c'est qu'on pourra pas, sûrement pas, les acheter à l'unité sur tous les albums qui nous intéressent, qui ne sont jamais sortis auparavant, comme on va parler de la Tour Eiffel 2000, par exemple, comme on va parler aussi le live de Vegas, s'il est prévu, bien sûr. Mais on verra ça. On verra ça dans le temps. Allez, on revient à l'Olympia 2000 avec les duos Johnny Hallyday et France Gall et Johnny et Paul Persson. Le premier, c'est voici quelque chose de Tennessee. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à nous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, une volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Le rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Un peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli. Avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous c'était son cri à lui. Mais quelque chose de Tennessee. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie. Sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami. Ainsi disparu Tennessee. À certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie, se rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee. Quelque chose en une Tennessee. Quelque chose France, qui ne vient jamais ou très rarement chanter avec mes amis. C'est mon grand plaisir ce soir de l'avoir avec nous. C'est vraiment toi qui m'a donné envie de remonter sur scène après toutes ces années. Merci Johnny. Je t'aime. Merci. Moi aussi. Au revoir. Dernier duo de la soirée, John Hallyday et Paul Person, le bon temps du rock'n'roll sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. J'avais cette émission dédiée aux sorties discographiques de Johnny Hallyday en l'an 2019. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission, cette dernière émission de l'année 2019. Et c'est sûr, on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux numéros et de nouvelles aventures. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci encore pour votre fidélité et on se retrouve très très très bientôt. Bonne nuit à toutes et à tous. Ciao ciao.